Eh bien salut à tous et à toutes les amis, c'est Gamox, je prends la nouvelle vidéo sur Minecraft pour une petite annonce, on va dire. Voilà, c'était juste pour vous divertir le temps que je pars. Donc on part tout de suite en Icabrain. À tout de suite. Ok, donc on se retrouve donc en petit Icabrain. Donc voilà. Il allait marquer parce que ça prend un peu de temps à lancer l'enregistrement. Donc je veux dire, on est, je vous mettrai des images, on est à l'heure où je tourne cette vidéo vers environ les 410 abonnés. Donc j'aimerais vous remercier, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. On a passé le cap quand même des 400 abonnés en très peu de temps. On est passé voilà de 100, peut-être 150 à 400 en quelques semaines. Ouais, peut-être plus de mois, voilà. C'est énorme. Donc, merci beaucoup. Et à l'occasion, j'aimerais annoncer une FAQ. Donc, je pense que plein de personnes l'attendent. J'ai déjà reçu plusieurs questions. Donc, ok. N'hésitez pas à rejoindre le Discord de la chaîne qui est dans la description. Je vous mettrai le lien pour pouvoir me poser, il y a un forum questions, donc pour pouvoir me poser des questions, ainsi que mettre dans cette vidéo toutes les questions que vous voulez. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé à améliorer la chaîne sur mon Discord, voilà, qui m'ont donné des astuces. Ça fait vraiment plaisir. Puis aussi, j'ai atteint les 400 abonnés, j'ai eu une petite pub, on va dire. Ah, bah voilà. Ah, voilà. Encore un. Bah, dédié. Oh, attendez, dédié à toi, hein, si tu regardes cette vidéo. J'ai eu une petite pub, on va dire, pas volontaire, d'un youtubeur. Si vous voyez pas de quoi je parle, vous le mets à l'écran là maintenant. Pour ceux qui n'avaient pas compris, voilà, c'est The Fuse. Les panneaux, en fait, j'avais déjà. Si vous voyez pas de quoi je parle, allez voir sa dernière vidéo. Les panneaux qui étaient dans sa base, bon, ils étaient là déjà depuis un mois, donc voilà. C'est pas parce qu'il a donné les coordonnées que j'y suis allée. Mais voilà. Donc, concernant la FAQ, voilà. Donc ça sera posté, enfin je commencerai à trier, enfin à prendre les questions peut-être d'ici quelques jours, peut-être le 8 juin, voilà. Et je vous verrai les questions que je mets dans la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à poser les questions que vous voulez, j'y répondrai, je les juge bien. Je prendrai les questions les plus intéressantes. Et voilà, donc libre à vous de poser celle que vous voulez. Après, vous n'êtes pas sûr de passer. Je prendrai aussi, vous avez plus de chances de passer que votre question passe dans la vidéo si vous venez le poser sur Discord. Je prendrai plus les questions qui ont été posées sur mon Discord donc de la chaîne. Donc venez. Le lien toujours dans la description. Aussi, il m'a fait part alors que je ne mettais pas assez de playlists. Donc, alors les playlists, pour ceux qui savent pas, c'est sur YouTube une catégorie où on peut ranger plusieurs vidéos. Et donc, j'ai décidé donc voilà, cette vidéo n'est pas que pour l'annonce de la FAQ, aussi pour une autre annonce. Et donc, j'ai décidé que les vidéos que je ferai seront dans une nouvelle playlist. Donc, l'autre annonce que je veux vous faire, c'est que vu que Palladium V5 Grisette et qu'on va passer en V5.5, je vais faire des vidéos toutes les semaines, donc être ponctuel. Voilà. Donc c'est pour ça que ça sera beaucoup plus simple pour moi, parce que je voulais être ponctuel, mais sans. Enfin là, en fait, le reset, c'est vraiment une chose super utile pour moi qui, voilà, qui m'aide. Enfin, j'ai pas besoin de tout reprendre à zéro ou je sais pas comment faire. Mais enfin voilà. Donc dès le début de la version, les gradés, on aura une journée en plus, enfin on aura un jour avant les autres d'ouvert. Donc je tournerai sûrement une vidéo à ce moment-là pour moins que ça lague et moins qu'il y ait de personnes. Et pendant une semaine, j'irai, comme vous vous en doutez, miner pour avoir assez de palladium vert et de palladium rouge pour se refaire une petite richesse. Mais donc voilà, je pense, voilà, une vidéo les vendredis ou les samedis. À vous de me dire ce que vous préférez, vendredi ou samedi, ou même dimanche, ce que vous regardez le plus. J'ai testé mercredi, mais j'ai vu que le mercredi, ça marchait moins, tout simplement. Donc j'ai vu très le mercredi. Voilà, donc soit samedi, soit dimanche, soit vendredi. C'est à vous de voir. Si vous avez aussi des suggestions à me faire, n'hésitez pas, je suis ouvert à tout. Donc voilà. Ok, donc à ce moment-là, j'ai oublié de me démute parce que j'étais mute. Donc je vous disais que n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker et à partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions sur cette vidéo et surtout à rejoindre le Discord de la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir et vous aurez plus de chances d'être pris. Dans tout cas, je vous dis à la prochaine, c'était GameX YouTube, à plus!